Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission qui clap on tourne et aujourd'hui je vais faire Raymond Souplex avec les 5 dernières minutes à la technique, c'est Marcus, bonjour Tanguy. Bonjour Marcus, je vais commencer par la biographie de Raymond Souplex. Nom de naissance, Raymond Guillermin. Il est né le 1er juin 1901 à Paris. Il est décédé le 22 novembre 1972 à 71 ans à Paris. Profession acteur, dialoguiste, scénariste et chansonnier. Films notables, Manon et Si Versailles m'était compté. Série notable, les 5 dernières minutes. Biographie. Né au 13 place du Panthéon, fils de Léon Adrien, fonctionnaire de l'assistance publique, et de Zélie Ernestine Pesloux. Anagramme de Souplex. Il est le cadet d'une famille de 4 enfants. Adulte, il tente d'entrer au conservatoire en 1920, mais il échoue. En parallèle à ses études de droit au lycée Louis-le-Grand et à son premier emploi de clerc, il compose des chansons et écrit des sketchs au cours des années 1930. Le chansonnier. Il devient chansonnier et tourne dans les cabarets et cafés-théâtres parisiens, dans le caveau de la République et le théâtre des Deux Ânes. C'est durant cette période qu'il rencontre Jeanne Sourza, qui devient sa complice pendant de nombreuses années. Dès 1935, il participe aux émissions radiophoniques de Radio Cité avec Noël Noël, Saint-Grenier et Jeanne Sourza. Avec cette dernière, il interprète le rôle d'un clochard philosophe de l'émission humoristique Sur le banc. Oh là là là là là là, il est encore en retard. Il n'y a jamais moyen de manger heure fixe avec lui. Ben le voilà. Ben en quoi qu'il est déguisé? Ben mon vieux, mais c'est pas assez l'ami Carême. Bonjour, Carmen. Ben, quoi que tu joues? Je suis venu vous voir en frac. Où que c'est qu'il est? Quoi? Ben, le fiacre. On dit t'es venu à pied. Pas le fiacre en frac. Tu remarques pas que je suis en habit, non? Alors, je sais pas. Oh, ben, si ça se remarque. Non, mais qu'est-ce que tu fais déguisé comme ça? T'es nommé ambassadeur? Non, j'étais à la noce. À la noce à qui? Ah, ça, j'ai pas eu la curiosité de le demander. Enfin, qu'est-ce que tu faisais à cette noce? C'était quand même pas toi le marié. Ah, non, non, moi, j'étais extra. Extra? Oui. Ah ben t'as dû faire un effort parce que t'as rien d'extra. Un extra, c'est un maître d'hôtel qu'on embauche en supplément des autres. Ah oui, et ils t'ont demandé à toi? Oui. Eh ben faut croire qu'ils n'avaient rien de mieux. Enfin, ça fait rien raconte. Ben, c'est un copain à moi qui devait faire un extra dans un mariage. Ah, oui, oui, oui. Ah, les mariés, ils ont été à l'hôtel? Mais non, mais non, mais non. Tu me dis que t'étais maître d'hôtel. Un maître d'hôtel, c'est un patron d'hôtel. Oh, mais non, tu vas me laisser te raconter, oui. Mais allez, raconte. Bon, donc, le copain, il pouvait pas faire son extra, alors il m'a demandé de le remplacer. Oui, oui, oui, oui. Alors, il t'a prêté son habit. C'est pour ça qu'il te va si bien. Non, celui-là, je l'ai loué, même que ça me fait des frais. Oh, ben alors ça, t'aurais pu le en prendre un qui t'allait à ta taille. Il n'y en avait pas? Si, si, mais il était plus cher. Alors. Ah, oui. Alors là-bas, j'avais comme travail à servir à table, à passer les plats, à verser les vins. Oh, c'est tout un art. Oh, ah, là, oui? Ah oui? Parce que les vins, il faut savoir dans quel verre il faut les verser. Pourquoi, il y avait plusieurs verres? Bien sûr. Oh, ben avec un, il y en a assez. Non, parce que t'as servi du vin blanc, puis après tu sers du rouge. Si la personne n'a pas fini son vin blanc, t'es bien obligé de verser le rouge dans un autre verre. Oh, dis des gens qui laissent du vin dans leur verre, alors ça mérite pas de vivre. Oui, ça d'accord, mais ça arrive pas. Oui, et bon, alors dividez votre verre que je vous en remette d'autres. Oh non, ça se fait pas. Donc, il y a plusieurs verres, pas. Et puis, il faut annoncer le vin qu'on sert. Mais ben ça, c'est pas difficile. T'as qu'à lire l'étiquette et puis t'annonces supérieur 10 degrés. Oh, mais non, faut glisser ça doucement dans l'oreille du client. Pourquoi? Il faut pas que les autres entendent? Ah, ben c'est l'usage. Oh, ben c'est bien des histoires. Parce que t'arriveras avec la bouteille à la main en criant « Tendez vos godets, v'là le Mostaganem, première réserve !» Et ben là, à ce moment-là, tout le monde comprendrait tout de suite. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Tiens, et les plats, ou que tu les présenterais à droite ou à gauche, toi? Moi? Je les mettrais dans le milieu de la table et puis tout le monde se servirait. Oui, ben il faut les présenter à gauche, et puis dans un certain ordre, en commençant par les dames et en commençant par la plus âgée. Oh, ben c'est gai, ça. Parce que alors, quand on sert la dame, tout le monde se dit « Tiens, v'là l'ancêtre !» Et on finit par le maître de maison. Oui, ben comme ça, il a l'avantage de manger froid. On est de retour dans l'émission Clip Clap on tourne et c'était un extrait de l'émission humoristique Sur le banc avec Raymond Souplex et Jeanne Sourza. Durant la Seconde Guerre mondiale, Raymond Souplex continue à se produire par exemple au théâtre de 10 heures. ou sur Radio Paris. Il participe aussi avec d'autres artistes comme Fleischel, Lise Gauthier, et a tourné dans les usines du Troisième Reich, ou travaillant dans de nombreux Français du STO. À Berlin, en août 1943, il accompagne quelques artistes français, dont Loulou Gasté, Édith Piaf ou Albert Préjean, et pose avec eux devant la porte de Brandebourg à l'occasion d'un voyage censé promouvoir la chanson française, ce qui lui vaudra un blâme à la Libération. Il écrit une opérette, Clochemerle, d'après le roman de Gabriel Chevalier, créé le 11 mars 1944. Après la guerre, il reprend son émission sur le banc, sur l'antenne du Radio Luxembourg, de 1949 à 1963. Lecteur, sa carrière cinématographique démarre en 1939, avec le film Sur le plancher des vaches, de Pierre-Jean Durcy, avec Noël Noël, alors que Raymond Souplex a déjà une certaine popularité. En 1940, dans Les surprises de la radio, de Marcel Aboulker, il joue son premier rôle au milieu d'autres grandes vedettes de l'époque. Il faut attendre la Libération pour voir Souplex sur les écrans. En 1948, Henri-Georges Clouzot l'engage dans Manon, aux côtés de Cécile Aubray et Serge Reggiani. Dans quel état ils t'ont mise? Toi qui aimais tant les belles robes. Tu vois, comme ça tu seras bien. Tu vas dormir gentiment. Tu es à moi tout entière. Les autres ne viendront plus te prendre. Salir. Je t'aimerais sous terre de les sentir autour de toi, t'imaginer dans leurs bras. C'est fini, Manon, fini, tu les intéresses plus. Mais qu'est-ce qu'ils prennent de toi maintenant? Ce qu'ils aimaient, c'était ta peau si douce et ton parfum. Et ta peau va craquer, Manon, et tu sentiras la mort. Et moi, je t'aimerai toujours. Je resterai près de toi jusqu'au bout. Il y avait des temps, tu sais. Tu vois, je me colle à toi. Serre-moi dans tes bras. Fort, très fort. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes toujours. Je t'aime, Manon. J'étais si malheureuse, Robert. Tu ne peux pas savoir. Mais je sais, mon amour. On ne va plus repartir, jamais. J'ai peur que tu n'es pas là. Je ne repartirai plus. Vous êtes de retour de mes soquets clapant tourne et c'était un extrait de Manon, de Henri-Georges Clouzot en 1948, avec Cécile Aubray, Serge Reggiani et Michel Bouquet. Et en 1950, Henry Johnson l'a choisi pour incarner un chanteur dans Lydie Paname, aux côtés de Louis Jouvet et Suzy Delaire. J'ai pas trouvé de Merlan. Aucune importance. Je n'ai pas d'appétit, je n'ai plus que des désirs. Je suis bien contente pour toi. Tiens. Tu reçois beaucoup de petits bleus aujourd'hui. Toi, tais-toi. Comment trouves-tu Oseille? Bah, très gentil. Pourquoi? Et jolie. Oh, plutôt. Et tais-toi. Et jeune? Bah, naturellement jeune. Bah, si elle n'était pas jeune à son âge. Et tu penses, tais-toi, qu'un homme peut l'aimer? Oh, regarde-la. Et tu crois qu'elle peut aimer un homme? Bah, si elle en a envie. Oui? Eh bien, moi aussi. Pas toi aussi. Moi aussi, je trouve Oseille jeune, gentille et jolie. De plus, je suis un homme. Et je crois qu'elle peut aimer un homme qui pense comme moi qu'un homme peut l'aimer. Voilà, c'est tout. Non, j'ai horreur du mensonge, comprends-tu? Et je te respecte trop pour ne pas te dire que nous avons décidé, Oseille et moi, d'être l'un à l'autre dans le plus bref délai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Caprice, t'étais au courant? Alors, ne t'énerve pas, c'est la plus grande preuve de fidélité que je puisse te donner. Oh, non. Alors, ce qu'il faut entendre... Mais si, réfléchis. Quand je t'ai découverte et aimée, tu étais une petite brune piquante et délicate. Une créature charmante et convoitée. Tu avais 18 ans. C'est avec cette femme-là que j'ai fait ma vie. Or, depuis quelques années, elle n'était plus la même. Je l'avais, pour ainsi dire, perdue. Et voici, oh mon amour, que je te retrouve tel qu'autrefois. Quelle aventure miraculeuse. Regarde-toi, contemple-toi, tu n'as pas changé. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a que toi pour me faire de ces surprises-là. Que voulez-vous répondre à ça? Il y a une façon de vous présenter les choses. Ça, vous avez de la chance d'avoir un mari pareil. Parce que c'est que l'intuition, hein. J'ai apporté 3 côtelettes. Vous êtes de retour dans l'émission Que Clap On Tourne, et c'était un extrait de Lady Paname avec Raymond Souplex de 1950 d'Henri Johnson avec Louis Jouvet et Suzy Delaire. En 1957, Claude Lorzay le choisit pour devenir l'acteur principal de la série télévisée policière française Les 5 dernières minutes, où il incarne l'inspecteur puis commissaire en 1965. L'acteur et son personnage sont restés fameux en raison de l'exclamation « Bon Dieu, mais c'est bien sûr !» Et à la fin de chaque épisode, lorsque la résolution de l'énigme s'impose à l'enquête et que celui-ci s'adresse directement au téléspectateur, pour l'inviter à le suivre dans ses raisonnements, il compose personnellement son personnage. La coupe à la brosse, la moustache, la gabardine, le nœud papillon, le chapeau rond. La collaboration avec Claude Lorzay dure 56 épisodes, de 1958 à 1972. Ne me dis rien. C'est trop facile. Ah, alors va, parle. C'est difficile, j'en conviens. Mais d'autre part, je n'aime pas beaucoup jouer les imbéciles. Pourquoi les imbéciles? Pense à ceux qui t'envient. C'est le roi, mon ami. C'est le roi, c'est le roi. Je suis cocu quand même. S'il te plaît de le prendre ainsi. Comment veux-tu que je le prenne? Avec un peu moins de colère et plus d'esprit. Si tu n'estimes pas que c'est une faveur, je te vois mal en point. Et si tu te prétends ridicule, tu vas l'être. Et puis cocu, cocu, qui te dit que tu l'es? Qui me dit? Mais c'est toi qui me le dis. Je t'ai fait comprendre. Ah ça, j'ai tout de suite compris. Oui, mais saisis-tu que je t'en fais la confidence et non l'aveu? Confidence. De retour de l'émission Que Clap On Tourne, et vous avez entendu un petit épisode des 5 dernières minutes. Raymond Souplex se jouera dans cette fameuse série avec bon nombre d'acteurs célèbres ou devenus célèbres à l'époque, comme Françoise Fabian, Pierre Brasseur, Bernard Fresson, Jacques Monet, Yves Régnier, Marcel Bouzoufi et Michel Bouquet. Raymond Souplex meurt au 7 rue Cauchois des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 71 ans. Avant l'achèvement du tournage du 56e épisode. Un gros pépin dans le chasse-là, cet épisode n'étant pas achevé. Raymond Souplex est inhumé au cimetière de Chantilly. Son épouse est décédée en 1993. Un square du 18e arrondissement de Paris, où il a longtemps habité au coin des rues, porte son nom. Filmographie, quelques films au cinéma. 1942. Dans le mouvement de Louis Devèvre, 1946. Je cherche un petit appartement de Louis Devèvre. 1948. Manon, d'Henri-Georges Clouzot. 1949. Branquignol, de Robert Derry. Je le convive au sang-froid. 1950. Le passe-muraille ou Garou-Garou, de Jean Boyer. Je l'artiste peintre. 1951. Identité judiciaire. Je le commissaire Basquier. 1951. Paris chante toujours. Et 1954, si Versailles m'était compté, de Chacha Guitry, je le commissaire priseur. est de retour dans l'émission Kick Clap en tourne et il y a une petite erreur entre si Versailles m'était compté et les 5 dernières minutes. Et là, vous avez entendu le générique des 5 dernières minutes. 1955, Bébé à gogo de Paul Messnier. 1956, Les aventures de Till l'espiègle de Gérard Philippe. Et 1960, Les moutons de Pierre Chevalier, joue le garde-chef. J'en ai fini sur sa biographie et je vais passer à... à sa série Les 5 dernières minutes, genre série télévisée policière, créée par Claude Lorzet. Nombre de saisons 38, nombre d'épisodes 149, et la durée était de 40 à 90 minutes. Et la date de diffusion était de 1958 à 1996. Les 5 dernières minutes est une série télévisée française créée par Claude Lorzet en 149 épisodes, répartis sur 3 générations. La première série comprend 56 épisodes, dont 51 en noir et blanc, diffusés du 1er janvier 1958 au 7 novembre 1973. Après une période transitoire comprenant 4 épisodes de 90 minutes, diffusés du 19 juillet 1974 au 16 janvier 1975. Synopsis. Vous êtes de retour de l'émission Kick Clap en tourne et vous avez entendu un premier petit extrait des 5 dernières minutes. C'est la première longue série d'enquêtes policières de la télévision française. Elle est fondée sur l'exposition d'une enquête où le spectateur doit en compagnie de l'inspecteur puis commissaire Antoine Bourrel et de son adjoint Dupuis rechercher les indices qui permettront à la fin de découvrir le vrai coupable. L'émission intègre rapidement chaque épisode dans un milieu professionnel ou social nouveau. Étranger à Bourrel, les champs de course hippique, les agences d'intérim, le monde de la tour Eiffel, la rose de fer, celui du disque, 45 tours, des halles, un mort sur le carreau, à l'emplacement actuel de la faculté de Jussieu, l'imprimerie de labeur et les ferrailleurs. À ses débuts, la série était une émission jeu qui était tournée en studio. Elles étaient diffusées en direct. Deux téléspectateurs sélectionnés assistaient au tournage et devaient deviner qui était le coupable de l'intrigue au moment du célèbre Bon Dieu, mais c'est bien sûr de l'inspecteur Bourrel. Chacun des deux candidats avait le droit de se faire repasser deux scènes de son choix que renvoyaient aussi les téléspectateurs. Ce fut le cas de la fameuse séquence de l'échange de verres de champagne de la première épisode diffusée pendant les fêtes. intitulé lors de sa diffusion Qui a tué Mona. Écoute, là, à côté, tu verras plusieurs messieurs. Tu les regarderas bien, mais tu ne parleras pas. Si tu reconnais celui que tu as vu l'autre soir, enfin, si tu en es sûr, prête à jurer. Elle n'est pas menteuse, vous savez, ça, elle a des défauts, non, mais... Madame, je vous en prie, allons. Donc, si tu le reconnais, tu viens me le dire à moi, tout bas. Alors, elle... Mais tu n'es pas obligé de reconnaître quelqu'un. Personne ne t'attrapera. Compris ? Compris. On peut y aller ? C'est prêt, monsieur le commissaire. Oh non, non, non, madame, non. Elle et moi, c'est tout. Excusez-moi. De retour de la mission qui clape en tourne, et vous avez entendu un bref petit extrait de la série Les 5 dernières minutes. Distribution, première série, Raymond Souplex, l'inspecteur principal, puis commissaire Antoine Bourrel, 1958-1972. L'épisode 36 des fleurs pour l'inspecteur. Jean Durand, c'était l'inspecteur Dupuis. Pierre Collet, c'était le brigadier Colombe. Plancton et faction devant le bureau de Bourrel. Quelques acteurs qui ont joué dans la série, comme Claude Berry, Paul Boniface, Michel Bouquet, Pierre Brasseur, Jean-Pierre Cassel et Henri Crémieux et Robert Dalban. Épisode. Liste des épisodes des 5 dernières minutes. Autour de la série. Cette série rencontra un énorme succès populaire jusqu'à la disparition de son interprète principal. Raymond Souplex en novembre 1972. Par égard pour son interprétation, les commissaires incarnés par les acteurs suivants ne se nommeront plus Bourrel, mais Le Carré, Cabrol et Massard. Outre Claude Lorzet, plusieurs réalisateurs ont participé à cette série, notamment Jean-Pierre Decour et Guy Levertisseur. L'indicatif musical du générique de l'émission. Cette série fut pastichée par Cotib dans plusieurs épisodes de la bande dessinée. En 1977, Jean Durand est appelé pour incarner le commissaire Dupuis dans la série Brigade des mineurs. Dans le premier épisode, on voit qu'il conserve son bureau sur une photo du commissaire Bourrel. Premier épisode diffusé. Meurtre par la bande, épisode 53, diffusé le 4 mai 1972. C'est le dernier épisode où il paraît l'inspecteur Dupuis. Dernier tournage de Raymond Souplex, Le Diable l'emporte, épisode 54, diffusé le 10 novembre 1972. Car il tourna jusqu'au 20 octobre 1972, des records en studio pour cet épisode, après ses derniers jours d'extérieur, pour un gros pépin dans le sens de l'épisode 56. Dernier épisode avec Bourrel, Raymond Souplex décède le 22 novembre 1972, avant le tournage des intérieurs en studio. Dernier épisode réalisé par Claude Lorzet, À bout de course, épisode 91, diffusé le 23 février 83. Les 5 dernières minutes de Bourrel, Dupuis et le plancton aux Colombes, souvenir des enquêtes inédites de la célèbre série. Premier épisode, La clé de l'énigme, diffusé le 1er janvier 1958, annoncé au préalable sous le titre Qui a tué Mona. Raymond Souplex y est nommé pour la seule fois à l'écran. Inspecteur Sommet, du nom de l'anti-héros des romans de Fred Kazak, à qui Claude Lorzet avait confié le scénario de l'épisode pilote, et qui collabora à la série jusqu'à la fin de la saison 17. Dès la seconde émission, Claude Lorzet le baptisa Bourrel, en l'assortissant de son fameux « Bon Dieu, mais c'est bien sûr ». Épisode 1 à 5, format 40 minutes, dont 5 minutes pour interroger les deux candidats, tournage entièrement en direct au studio. Le système en éprouvant pour les techniciens et comédiens qui doivent être prêts au moins d'une minute à rejouer à l'identique, mise en place du décor comprise. Les passages que les deux candidats demandent au revoir, ceux-ci n'étaient pas enregistrés. Épisode 6 à 20, format 90 minutes, dont 5 minutes pour les candidats. Tournage au studio en direct, puis séquence enregistrée. Premier épisode sans candidat, épreuve à l'appui. Épisode 21, diffusé le 6 juin 1961. J'en ai fini sur les 5 dernières minutes et je peux vous dire que la rediffusion c'est le lundi matin à 9h. Dans 15 jours, c'est Michel Bouquet. Bonne semaine à tous. Au revoir.